quelque part entre Cape Town et Johannesburg. Un soir avec les copains, on avait le cœur lourd. Alors pour mettre de l'ambiance, ensemble on a écrit une chanson pour les filles restées au pays. Moi j'ai laissé mon trésor en Côte d'Armor. J'en connais une qui est pas vilaine dans l'île et vilaine. J'irai la voir si j'ai le temps dans le Morbihan. La plus belle m'attend à terre dans le Finistère. Hey y allait de son idée, chacun de son couplet. Y avait du rythme à la chanson, le moral revenait. On entendait rire dans la nuit, le refrain tournait bien. Certains pourraient parler des filles jusqu'au petit matin. Moi j'ai laissé mon trésor en Côte d'Armor. J'en connais une qui est pas vilaine dans l'île et vilaine. J'irai la voir si j'ai le temps dans le Morbihan. La plus belle m'attend à terre dans le Finistère. On s'invente des aventures à n'en plus finir. Certains donnent même des détails que je vous tairai. Car les garçons parlent des filles toujours avec respect. J'ai trouvé celle qui me plaît en pays nantais. Une jolie au cœur d'artichaut en pays gallois. Je lui enverrai des je t'aime à ma bigoudaine. Et celle qui s'appelle Margot du côté de Saint-Malo. Moi j'ai laissé